Le projet en chiffres. Page 17. Deux nouveaux bâtiments modulables reliés entre eux, 900 places pour la nouvelle salle polyvalente, 2 ans de travaux. Prévision. Début des travaux début 2016, livraison fin 2017. 7 millions d'euros d'estimation pour les travaux. Le calendrier prévisionnel. Avant l'été 2015, dépôt du permis de construire. Fin 2015, lancement des consultations et sélection des entreprises. Fin 2017, réception des nouveaux bâtiments. Retrouvez le plan du nouvel espace Saint-Fiacre, téléchargé ville.châteaugontier.fr.